Je suis à Paris, mais je suis pas avec la prise. Le nain, je suis pastis. Et en plus, je suis raciste. Sur mon cou, j'ai un kiss. Et ta grosse bite, je veux la sticker. Tes bonnes grosses couilles, je vais les mastiquer. Ma vie, c'est un manège, y'a pas de ticket. Défenseur, je suis Gérard Piqué. Tant que tu me prends sur des gens friqués. Je possède l'or comme les Africains. Ya, ma question préférée. Est-ce que tu possèdes les crampés? Je me suis circoncé le zizi. Je ne peux pas m'assurer. Quoi? Ok, je suis un gouer abonné, j'ai pris un abonnement à Jean Masséna. Pendant que t'habilles, je prends des glaces, j'ai le glacier. Je me suis coupé les cheveux, mais je ressens pas un néo-nazi. L'idée, c'est de la merde, t'as la coupe d'un champignon et tu ressembles à Squeezie. Mais c'est quoi ce bordel, mec? T'as une mini bise. C'est quoi? Je me suis lancé dans le live, j'ai fait un live sur qui? C'est ta mère, je lui ai mis un high kick. Dans le milieu du rap, je suis un terroriste. 16-2, je suis un théoriste. 23, ouais, c'est un sale rat. Tu finis ta phrase, zéro censure.